بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري الكتبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي في الفصل الثالث والثلاثين من كتابه رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وإن كانوا مسافرين فلا يلزمهم الاجتماع وإنما عليهم حينئذ أن يذكر كل واحد الكلمة الشريفة بكمالها أو الذكر الفرد على أي وجه كان من الوجوه المتقدمة ألفاً وخمسمائة أو ألفاً وستمائة إلى آخره مني كن تي جتاي بيس نيجي سيون باتي نمبر دو مانام تي والو حضر الجمعة مان تي لازمي تي لازمي مانام لغي غيسون ناني ويرد بيغا خامتاني ويرد بي gis nañu wadifa bi mu dess ben ci lazim bi bo xamantene commencé nañ ko gis muy yegg legul ko mom moy hadaratul jumaa manam moy zikr asr yawmul jumaa amna tour yoy amna tour zikr yawmul asr yawmul jumaa amna dañ ko xamé hadaratul jumaa wala mais mi ngeul dañ ko xamé hayla la dañ ko hayla zikrul hayla la joful jumaa manam ndax la ilaha illallah biñu wax yep ay tour la yuñ koy faral yuñ koy di tuddé mais tour bi nga xamantene mom la gëna siwé moy ci téré moy zikru asr yawmul jumaa manam sikkar biñuy def asr moy takusan bisub aljuma yawmul jumaa gisoon nañ ci ay atté ak yu ci wër ba yegg ci won ci fi nga xamantene mom la Cheikh Omar radi Allah tabarak wa ta'ala warda wa nabi di waxna su fekente nit ñi dañuy tukki mu ne wa in kanu bu fekente ñom dañoo nek musafirin di way tukki fala yalzamuhum du len tak du takko ci ñom du war ci sen kawal ittimaa manam dajalo wa inna ma li amdas mu alayhim day war ci sawt kaw rek hina izin bu boba an yaskura ci mu tuddu musikar kullu wahidin kep ken al kalimata kaddu ash-sharifa bu tedd bi da moy batu la ilaha illa allah bi kamalha ci matam manam awwal bok azzikra zikr al fard moy chapa choli bete mom moy allah allah allah ala ay wajhin ci gep ko wal kan mom bo xamne nek nako min al wujuhi ci wal al mutaqaddimat yi nga xamantene mom noy jitu manam mom moy suko nexe mu tambali la ilaha illa allah la ilaha illa allah banam yi pare suko nexe mu wax allah allah allah allah banam yi pare suko nexe mu wax la la ilaha mu tambale la ilaha illa allah jeexale allah waye bu fekenteene mom kenn la alfan junni la koy def wo xam sami ak juromi temer aw wala bok alfan junni wo sitamia ak jurom ben temer maratan ci yoon manam kon 1500 wala 1600 lay wax lolou ben version la yini li ben version la bu ñew ci tariqa du ne yi mom moy version yi nga xamantene bi rek mo meun nek manam mais li version la bo xamantene daf ko wax ci ne li mom moy li upp ci liñ meuna wax kon lool la manam waxuko parce que mom rek moy li ragneku mais daf ko wax parce que mom moy li upp liñ meuna def bu fekkete ne yow kenn nga manam moy kon 1500 wala ak 1600 li nga xamantene moy li gëna neew li ñu wara mëna def moy 1000 ce qui veut dire que ni bu fekkante damay hadara man kesse dama ko def 1000 mais bo fateliko ci tosan neena la la budda manam mënul ñak ne manam ci nga fokk sa yo ko waré sikkar hadara dang koy wara jokkale ak timis bi man dang koy jokkale ak futsoo jant bi ce qui veut dire que ni kon dagay bayyi ba nga xamantene période bi nga wara mëna def hadara bu fekke yow kessa la ci surtout boudé boy tukki parce que bo xolé fi mu jéxalé daf ni wal mufrid ki nga xamantene kenn la alladhi ki nga xamné lam yakun nekul lahu ñel ko fil baladi ci dekk bi ikhwan ay mbokk hakaza ni lay def mom tam naka non manam kon ki nga xamantene mom ci dekk bi mu ne amul genn ñu mënu hadara do mom non lay def tamit wala bok manam du façon mënul hadara manam ci circonstance yi mu nek mënul hadara ak mbolo amul mbolo bu muy hadara do ñoñu non lañu def c'est à dire que ñoñu dañuy hadara ñom kessé mais buñu hadara ñom kessé dañuy bayyi ba jant bi di waju so mu leer na ni temps bi li lañ ci mëna def ñu def lool lol ben la wala su fekente ne lolou man tane te buñ ko deful hadara da len di recc ni ñi def mom moy dañuy dañ koy def rek heure buñ ko mëna def dañ koy def heure buñ ko mëna def mais ginnaw takusan ak avantimis mais lolou moy su fekente ne buñ bu fekente defuñu ko hadara ala kul hal lo len di recc mais su fekente ne mën nañ manam am nañu possibilité def ko juste avantimis non lol moy doon li nga xamantene moy ragneko legui nak comme niñ ko gisse won tok def ko moy charte bi tok def ko la mais su fekete ne mënou tok def ko tamit nga taxaw def ko wala ngay dox def ko wala manam wala meral li nga xamantene moy li bon mom moy bañ ko def ndax dina ci ñew ci kanam legui benen bi nga xamantene mom moy benen bir bi aju ci walu hadar juma kon manam kon djuni mom moy de minimum legui meun na amna 1200 ça dit que meun nga djuni ak ñaar ñatte me manam 1200 ku mu neex nga def 1200 su la nexe nga def 1000 su la nexe nga def 1500 su la nexe nga def 1600 nombre yi yeb existé nañ mais sokoy def bu la nexe nga def 1000 la ilaha illallah wala 1200 wala 1000 wala 1500 wala 1600 sula nexe nga def 1000 allah allah wala 1200 wala 1500 wala 1600 sula nexe nga def allah la ilaha illallah 1200 def nga def allah allah wala la ilaha illallah 1000 500 def nga def allah allah walla ila la la mil 600 def nga def allah allah sula nexe sax nga def 800 la ilaha illallah 800 allah allah mais lolou kon mom moy li nga xamantene mom mom la ñuy def mais bu nekké par exemple no go nga am tan bu gatt manam nga nek ci situation bo xamné ni ce temps dafa gatt fofu mil la la la rengel non bu la nek allah allah wala la la de toute façon mil meun nga ko def sola lolu yow yaay xol rek mil moy nombre minimum voilà mil moy nombre minimum mais dès que nga nga rek ko ci allah voilà voilà so ya kamté mais Allah Allah Allah Allah Allah Allah mu jax concentration wa concentration moy roh bi moy roh bi mais nak ça veut pas dire que concentration bi su amul rek doko def comme lepp lu la war rek ci sikar comme yenen sikar yi ci dess comme wazifa ça va dire que oui man bon duma meuna concentrer kon duma wodi ko wala li yenn ci xaar ka di wax oui c'est que man bu julli aussi da yalla da bu man bu julli sa xel da wara dal dal man dal damay bayyi bo tranquille pour oui ci xaar la xam nga voilà yalla ñu yalla sam deug kon lool mom moy kon lolu mom moy ben mbir mo lolu moy ben massa mune legui nak wol ki nga xamantene kon mom kenn la mokki tukki ñu len c'est que li len woutele moy ki tukki mom même bu gisee mbolo obligé wul def hadara bi ci mbolo alors que ki nga xamantene tukki wul mom bu gisee mbolo day obligé def hadara ci mbolo deng mo lol lay wax nak mune wa insha Allah bur sobe al musafiruna way tukki agne tam yow ci ñu dajalo way skuru te ñu zikr jamaatan ti mbolo bila adadin ci lu amul lim fa law ñel leen dalika lol niki nonu kon lolou tamit benen masala la moy ne su fekente ne ni tukki dañu ne ah gaay teñu xadara mbolo lolou fa biha wa ni'mat lolou mo mo gën est ce que lolou wa su fekente ne kenn ku ci ne dafa bëgg xadara sa côté wala kenn ki mom gis ne bon mom su ko amna droit amna droit niki nonu ko fi fa tamit ba legui mu dess hadara su fekente ne yeen mbolo ngeen manam da ngeen koy def mo xam da ngeen di tukki wala tukki wol len yeen yam ci côté bob moy hadara suñ koy def bu ñu nexé ñu def ko l'essentiel rek moy comme charte bi mu la waxon moy na mat waxtu selon possibilité mais namat wax moy charte bimu la teural lo ci kanam ci ginnaw mais sinon amul nombre ce qui veut dire que amul rythme bo xamantene fokk nit ñi top ko amna ño xam bu la nexé la ilaha illa allah la ilaha illa allah bu le ñom non lañu tam li def ñu defé ko non amul nombre parce que amul nombre bu fekkante na nga la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah non lañ tam ñu defé non manam rythme bu len neex lañi def allah allah allah tamit non bu la neexé nga def comme ni wa malaisie di def allah allah Allah, ñom non lañu def hein so su la nexé def comme ni ga def ko fi wala fenen Allah Allah bi mo na ma comme ni ko watti waawon di def rek ñoy su la nexé ko def lu la nex da wala Allah wala Allah manam amul rythme parce que lan motax parce que amul nombre hmm amul nombre buñ fixer dang muna wa man tarak legui muy dugg ci yenen masala muna wa man tarak kep ko xamne dafa baye hada zikr wa mais boudé yow dong la est ce que da nga yalu wala nga biral lan lañ ci non non boudé yow kessé da nga yelu doko wax ci kaw comme ni nga xamantene boy boy hadara boy boy boy boy boy boy zikr ki bi wird bi wird soy wird xam nga da nga biru da nga yelu bo niki non par contre wird ku ko wax ci kaw wird bi du bax dëdë hmm yoolu bi dëdë liñ la gëna mëna may comme niñ ko gissewon ci jamono ji ñu wax charte moy liñ la gëna mëna may moy boy wax bu fekke da nga bëgg téewlu té mëno ko da nga yëkëti rek tout sa baat ba sa nopp yow nga diko dégg pa ñi ci dess diko dégg nga koy dégg té ñi ci dess dang voilà cependant ben baat wala ñaari baat ñu yëkëti ko yoy lolu taxul ñuy wax voilà légui mu né kon buñuy képp ko xamantene dafa def kon wa man taraka ku baye ala zikr bi lam zikr wala yaf'alhu tudif ko hatta bat gharabat mu dadi so ashams jant bi ashams jant bi fala qada dit ak fay alayhi ci mom manam hadratu juma fi le gëna grawé yenen zikr déjà hadratu juma amna spécificité bu graw bon lolou dinañ ko gis ci ci moy day tax nit nek arif billah hadratu juma soko takowé kep lolou mom motax buntu bi gëna yomb pour nek arif billah moy nga respecté hadratu juma nga jox ko gëdëm diko def heure diko mata nga takko ko at ñaar ñet lay nga nek arif billah hadratu juma lolou mom bok na ci ndari ñi gëna yi ragne ko ci hadratu juma hadratu juma bok na ci feneen fu mu ragne ko mom moy nomination yu makki ci tariqa bi ci lañ koy defé moment bobu ci moment hadrat juma lañ koy bu do yow su fekké tout temps da ngay ñew da ngay tew heure da ngay commencé man et cetera ñu le yent bi sallallahu alayhi wasallam gis le cheikh hein né ah wa ki dañ ko defal promotion ñu yëkëti ni daan la yëkëti defal la tapal la defal la non mais si lool motax hadaratu juma bok na ci ki do mais non tamit la grawé parce que hadaratu juma soko mom moy seul bi nga xamantene soko deful do ko fay ça veut que boko defé ba jant bi sop c'est bon do to ko fayati mom moy comme bo xolé kon liñu gissone moy liñu gëna djégué bok xolé mom moy salatul aidain moy julli ñaari aid yoyu liñu am am doole liñu am am gëneel yépp so leen deful ba julliñ ba faré amul fayat fayat do ko fay aduma tamit non la xam nga xabar ciuma tamit bo xolé dafa nuru aduma ci côté yoy déjà aduma rek lañ koy def comme julli aduma bi alors que wo bi fa dañ koy def tous les jours wérna dañ koy def tous les jours comme yeneen julli mais aduma lañi def xabar aduma comme julli aduma tamit aduma rek lañ koy def ginnaw tap sand aduma dafa am heure bu am bo xamantene comme niñ koy gissé inshallah buñ ci yexé ci ngeureul yi wërdu wi ci buntu bobu aduma dafa am heure bo xamantene heure la bu am ngeureul té heure bobu non heure hadara juma la moy heure biñu nango ñaan té heure bobu heure hadara juma la comme niñ ñëw ci motta moy mom mal rahmatullah alayh hadaratul juma buñu xolé dañ koy wax ci kaw ñu ko ta ki ci kaw kum wa defo en fait mais bo xolé hadaratul juma kum julli juma te hadaratul juma manam bo raté ben parti ci hadara juma bi du la wat manam du war manam doone ah ñaata minute gaay def bala may ñew ñu daal di wax nangam nga rattraper lool amu ci sarami ko duwofi fa comme bi nga xamantene mom lo rat dang koy fayat comme julli aljuma bo raté won khutba bi par exemple bo ñewé do rattraper khutba bi mais cependant so raté ben rakka ci aljuma bi dang koy rattraper buñ seulmalé mais bu fekkante ne damay c'est que fofu nak wouté len touti parce que xam nga hadara bi lolu amu ci motax amul ay khutba fi yoy amu ci mais dal buma raté ben rakka mais suma raté ñaar rakka yépp nak wala boba dama julli ci suba mais aljuma bi mom jeex na duma ko fayat parce que aljuma mënuma ko def lulul ci juma ci aljuma mbolo la ko mëna defé buma xëssé ba recc amul ne gaay lañ défarat suñu aljuma bop amul djulli ci sbar rek même boudé mbolo ngeen da ngeen di djulli ci sbar amass nga dem benen djuma bo xamné ñoom djullé guñ djuma pari ñaari ki dañu def am ñu djulli 13h15 imam am ñu djulli 13h45 ak benen imam waaw mais lool xam nga waaw mais xam nga lool bon xawma sax ba am nañ ci droit xat xat parce que en fait parce que aljuma dafa spécial motax de ça c'est du moins ñaaru vague ñi dañu ñew julli première vague bi ñi ngi julli peut-être 13h45 deuxième bi julli mais ñom est-ce que wax nañ lan motax ñukoy mëna def dafa xat quoi wa mais même ça même wa yéwena da en tout cas bon ala kulli hal leg wa mais aduma normalement du demé non bu nit ñi julé fi ci bénn jakk ci bénn juma bénn imam lay am ñu julli mu jeex aduma hadra aduma du war kuy tukki niki non hadaratul juma mbolo bi warul kuy tukki manam kon bo xole man da ngay gis ki bobu ni wa similitude bi quoi voilà legui nak tanta bu lo recce mom do ko fal seulement nak amna ci wa tariqa bi ñuy wax ne sop nañu même bu fekente ne deug la ni do ko fay nga def quand même 500 salatul fatihah nga def quand même 500 salatul fatihah mais de toute façon do ko fay manam kenn du ko fayé manam même lolu sagu pas dire que ni dang koy fay mais dañ ko sop rek non nga def quand même 500 salatul fatihah ci goudi gi non dal manam comme que recc na la bëggu di jot manam ba timis jot na wessam voilà mais gravité bi tam mo ngi fofu parce que lo xamanteni ngeenel gu tollu ni hadar juma ñu ne la malgré tout do ko fay ce qui veut dire que yow ngeenel lolu recc na la à jamais lolu lay tek man lañu yalla sam la tax même bu fekk da légui imaginer nit ko xamné day dem hadara mu nek ci yoon bi borom bi natto ko mom embouteillage munte yegg par exemple yeggu mais ko par exemple du baye mbir mi rutch ko non ci mali foro bene day na hadara wa boudé yor na japp rek na xadar wa bu yorul japp té mu mëné ci mutim xadar leneen tamit faté won nako ci masala yu am solo la ci buntu bi moy japp bi nga xamantene mom la jappo pour werd bu ma bëggé xadar dama japp wat bu bëggé wëru fa dama japp wat non dama tim la bëgg tim bo bëggé xadara dama timat mo bëggé wëss dama timat wërd bu fekkante dama tim pour julli manam masalé tim la bo bëggé tim buma timé pour julli xam nga suma timé pour tisbar mën na def nafilé tisbar mais mënuma ko buma bëggé julli taku san dama timat lool xam nañ ko niki non suma bëggé wërd wala wazifa wala hadara ben bu ci nek dum koy timal cependant werd yenen yi nga xamne mom lay def ci digeunte bi werd bi ma timé mën na ci werd yenen werd yi wala comme niñ koy wax yenen yi ci dess da on sa wa expression bu teggu non wow wala wa me dal nañ wax rek werd wa yenen werd yenen ci carré yi nga xamne day laaj la même yoy sax mën nañ ko def ba mu dess yi nga xamantene gis nañ xamna ni kenn duko werd te labu ndox comme ndo wara tuddu jowar comment par exemple bo par exemple doko ci bolé parce que bo do façon ci wolifa bi la mais bo do façon doko ci bolé ak yi nga xamantene moy comme fatiha bi nek bismillah wa mom kenn duko werd kenn duko def ak sans labu ndox donc ce qui veut dire que ni marab mais limi tek moy su fekkene dama bëgg jang sayfi yu wala hizbul bahri wala xer yoy non hein wala et cetera yenen zikari yoy ay asmaul idrisiya et cetera yaqutatu farida asad yiki yaqutu haqaqati bok sax parce que yaqutatu farida moy la deul moy salat fatiha dañ ko haa moy yaqutatu farida tam turu salat fatiha wa deng Voilà. Légui yoyou bu fekkante ne kon yoyep dama ko bëgg ki hein damay dama koy timala damay timal non tim bima werde wala mo wëzu fa ci wala ma xadara ci mën na ko defé yeneen yi ci dess mën na ko defé yeneen yi manam mé julli par exemple tim bima tim pour julli mënuma ko werde il faut que ma timat pour werde lutax parce que en fait faratay bopom lañ motax c'est-à-dire que farata la bo xamantene dama manam dafa nek lu gal sama loss yi nga xamantene nak ay nafila lañ sama farata bima def mën na ci nafila mais yi nga xamantene dama ko manam dama tim pour farata kon mën na ci def ay nafila manam dayer motax buma timé pour julli mën na mo paré mën na ci jangal quran jël ci kam et cetera julli wat julli farata rek mom moy tax mo timat moy waral mu timat su fekke luy tok ñap wala luy tok ak tangayal farata amul ci digeenté bi niki nonu werr tamit non la kon werr yi nga xamé dañu war fop dañu laaj tim bu bes werr yi nga xamanté na waruñu laajul tim bu bes par exemple duggu ci lo xamné day dem mais avant takusan tim lolo ko waral moy tim liko waral moy ñak ndox wala ñak ko meuna jëfëndiko tim ñaar yi mo koy waral yépp mën nañ ko wëlbuti ci hein non ki bi mo tax mo koy laaj matière waaw wala légui nak matière bi tam ça veut dire que aussi ki nga xamné moy tukki tout temps manam gis nga ni ngay defé boy tukki jël say bagage del ki ni nonou ngay jël say précaution boy tukki tam et en plus voilà et en plus train par exemple ak avion yépp dañuy am ndox amna ndox wa train yi des fois sen ki ndox ah day da fay pan wa lu bari sax avant bon man de yimou deug sey yo bi dem jeneva yu beuri des fois non si doxé yu beuri non si le wut xéru tim pour ko sa sac en prévision voilà c'est ndox ngay jël ko beaucoup bi sou voilà parce que souvent mais balé bouteille voilà nga yo balé bouteille par exemple voilà non mais pourtant man train bon ça va dama len di jël pourtant mais dañuy am ndox mais beuri non bon ala kulli hal lu ci amone solo wax nan deng kon legui nak mu ne legui muy ñew ci yeneen xéetu masala moy masala yi jital yi legui nak muy ñew ci masala yi jital yi mu ne me bala masala yi jital yi manam masala yi benen xétu masala bu nek fi moy lek ak nan parce que waxon nañ ci walu wax ni mi yaké werd ak wolifa ak hadar et cetera mais légui mu dess lek ak nan tamit dañuy yak werd dañuy yak wolifa dañuy yak hadar comme djul lek ak nan xam nga ndako yak motax wa tariqa bi par exemple dañuy gis né amna ñaari position yu différent ci walu lek gu tuti ak nan gu tuti day gis ne bo xolé téré tariika bi day gis ne ñaari wax lañ ci wax yu wuté wax bu ñëkk bi moy ne su fekkante ne damay werd ñu indil ma lu tuti ci café wala lu toll lu melni ay biscuit ak yoy ma nga xamantene bari wul mën na ko lek te du yak sama werda du yak sama wosi ba ba ci bir lolu bo xolé lolu mom le sir hajj mal rabbiyalahu waqti faake amna nak ño xamantene dañu différencier entre werda ak wosi dañu touti lek gogou ak nan gogou dina yak werda way du yak wosi fa lolu kon ñoon ñoy benn groupe bi mais ci benen groupe amna ño xamne ñoom dañ ko téré bil kulliya lek ak naan mom dañ né comme julli la mel werd bo ci lekke ba nga naan da yak so bon ce qui veut dire que donc même bu fekkante ne yoy li ñu permettre la and ak ne manam li gën mom moy kon moy xëndiko ko au moment où ci bir tariqa bi sax manam ñi ngi ci wuté ñom ñi seen bir boom yu kon moy xëndiko ko même bu fekkante ne amana li nga xamne moy li gëna sax inshallah moy ne mën na ne manam mën nga lek touti wala nan touti mais xam nga digënté baatu touti lu demé nek ay xéetu kaasu café lañ ko wax ak kaasu ataya ak yoy kon lool tékki wul na da nga man nga par exemple di je sais pas manam añ wala rier wala yoy comme niko parfois ñen ñi lam tam ni comprendre rek ko mën nga lek tout rek ni wone né ñom dégg lan amna masala bu ñu xam ci affaire da di dégg comme ay affaire wa comme li xamné non la gaay né bu ni comme julli ka xamné mo leen la julli awray goor mom mi ngi am ci jàmbalé ci yum wax bu ci obi la nga xamé né da ci tay tay lu daal di def lo xamné da naka non rek lay tolu ñu julé non alors que pourtant lu yéré di gën di bëri muy gën muy ëpp ngeenel couché voilà donc lool yoy yi kon xam nga kon manam question bobu lool mo motax même bu fekkante ne amna ci wa tariqa bi ñu ay kilifu yu mak yu bari radiyallahu anhum ño xamantene permettre nañ lool tamit amana na li gën moy moy tuddu ko moy bayiko d'ailleurs sax mo gëna dupp ak tegginu zikkar bi wirde bi ci bopum gëdd gi nga xamantene mom nga koy jox ak tewlu gi mu wara andu et cetera maintenant nak kenn duñu gis kenn diko def mi ko ngañ au moment où lan nañ ko c'est fermé voilà au moment où permettre nañ ko légui kon bobu masala kon mom lañu yoy bo yoy lañu faté wona indi bala ñu wax ci walu wër ci walu jita légui nak mu neewu man arada kep ko xamne nam na an yuqaddima ji wujital wirdu subhi wirdu subagi wayaf'alu te mu def ko waqta sahari waqtu njël fa law ñal nako zalika lool wa fi te nek na ci fadlun ngeenel azimun bu mag ngay lutax mu am ngeenel lu mag lool mu neele an da dafa fekk ne al marratu yon ben yon kesse min salat min salat fariha ci salat fariha lima ukhliqa wa waqtu sahari waqtu njël ta'dilu ta'dilu day tolo day yemo khamsa mi'a juromi temer marrat yon minha ci salat fariha min ghayri waqtin ci lu am ci lu bokut ak waqtu as-sahari bu njël gi wax kon fi dafa utiliser baatu waxtu ngeul hein dafa utiliser terme ngeul and ak même meun nañ ko def la la lu ngeul mais ngeul mom moy waxtu yi nga xamantene ci moy bu mujju biñ la ko permettre lolo tax ngeul moy juste avant fajar lolo lañ wax ngeul moy le petit matin voilà donc moy avant l'aube voilà donc kon waxtu wo moy dernier moment biñ lako permettre mais kon lan moy premier moment biñ mako permettre premier moment biñ mako permettre moy su fekkante ne muxtaru wirdu ngon gi jeexna il faut ko muxtaru wirdu ngon gi jeex te mom moy kay deuxième partie du début. Deuxième tiers. Goudi tambalé. Fofu la. Ma tek ci luma meuna jangé djuroomi hizbu alquran. Ñu koy nat ci après ci 45 minutes. Donc ce qui veut dire que ni bu boba ci lay tambalé sama jita. Mais inshallah buñu paré yi yépp dinañu jël ci walu werdé ak yoy pour récapitulatif dinañu utiliser bi ay exemple ci beutek bi boudé jant bi heure bi lay génn boudé jant ci lan moy heure yi lan moy heure bi ban heure la mëna jital ban heure la mëna arrêté wara arrêté jital et cetera manam pour joxé ci exemple lo xamanténe ay cas pratique cas pratique voilà pour récapitulatif inshallah maintenant li nga xamanténe mom moy kon heure jital hein hein voilà moy kon bu gué manam muxtaru geewi bu jexé manam moy deuxième tiers guddi gi mangi ci commencé na duguna ma tek ci à peu près 45 minutes mën na tambali sama manam mën na wër jital sama wër du suba niki nonu mën na jital wo fi fa suba ce qui veut dire que nit mën na di wër luddul guddi c'est à dire que nit mën na def goudi ba goudi ci sa lay wern su xeye dem yona waaw lool wax bu ñewé wer day werdu werdu suba manam werdu ngon bi bu ñewé day werdu werdu ngon bi manam bu fek timis jotna wala gey jotna mu werdu werdu ngono wosi même bu dé ñaar wosi fa lay def werdu werdu ngono wosi fa ngono bam ata dali bay bo nga xamantene ciéru guddigi jall na ba tek ci a peu près ba tek ci 45 minutes gogou mu wirdu suba woni suba suba gi tam ci ëllati mu defati non te mi ngi ci kaw yoon salat fatihi yi nga xamantene li tax nak mu ne lolu nak d'ailleurs moy yi li yey li gën bo gisé ñu tariqa bi ñu def andak woyofal gogu gis nga motax tariqa bi dafa woyof wallahi samha wallahi halifatu samha yent bi sallalahu alayhi wasallam daf ni bo astu innama bo astu bil hanafiyati samha hadith bu nek sahih imam bukhari rahmatullah alayh mu ne ñun man dañ ma yoni vraiment ci li nga xamantene mom moy al hanafiya mom moy li nga xamantene dafa juk xoc jëm ci borom bi jeng nak wolif luddul yalla lepp lu jëmul ci walu yalla rek daf ko bayyi do côté moy hanafiya mune as-samha jeureu as-samha manam mom moy bi nga xamne dafa yomb woyof diire ji non la mel tariqa bi non la mel ci bir tariqa yi moy hanafiya as-samha bi nga xamantene moy vraiment dafa yomb motax biso bokku ni ci touri hein tara mom mi ngi koy tuddu sax manam zikkar yi nga mune gissone ni tuddé buntu bi leral zikkar yi nga xamné ñom ñoy lazim yi manam ñi war ci tariqa bi yi nga moy al ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya hanifiyya deug hanifiyya samh tidaniyya manam parce que lan parce que woyofal bu mag yi nga xamné mo ci am motax kep ku na noy woy bon bëgg na jël werd mi damay ragal nangam damay ki manam c'est parce que tout simplement dafa comprendre affaire yi ni mu woyofé ak ni mu yombé voilà et que subhanallah shaytan rek mo nan ko non yi werd mi deg na yi mo mel werd bi ki alors que pourtant bu ko don def day gis ni mu woyofé alhamdoulillah ma sha Allah xewul gu ri bo la ko nak werd bi tamit suma ko day def ku nek manam tay même ñi nga xamantene xamuñu ko ni buñ koy dégg ba nga wax le bañ laaj la wérr bi naka la bo leen ko waxe dañ na ni li rek la maam ñoo sey bop na leen di bét keur bari wul et que même ñi nga xamne comprendre ruñ sax dañuy fogné non affaire bi kon warul kon gaay for bi ñuy wax manam mo foray bi ñuy wax sax manam dañ ci douté dañuy commencé voilà bu xamul sax dañ ni quoi non mais est-ce que kon non est-ce que gaay kon ni ñi koy cioé alors que lool la manam borom subhanahu wa ta'ala daf ñuko defal imam yenenbi sallallahu alayhi wasallam indi ko comme mu nek comme diine ji ni mu woyofé manam mu indi lepp mu yom mais nak mu def ci barke bo xamantene ak madad ak faydu bo xamantene amul ci fenen non la ko ñu defé comme julli rek suñ julli xam nga yent yalla musa alayhi assalam lan la wax yent bi sallallahu alayhi wasallam julli yi banu israël ño gëna deugër sa xet té ñoom julli yi ñu leen tégon attanuñ ko et pourtant ñun suñu julli xam nga mo gëna daf ko waccé wat wañi wat hein ba muy di set raka kessé ci juroomi julli kessé mais comme li ibn ta'ala wa rahmatullah alayh mo ne alimahtiyajaka ila fadlihi fakathara amdadaha alima wujuda dha'fi minka fakathara amdadaha wa ihtiyajaka ila fadlihi no faqallala subhanallah alima wujuda dha'fi minka faqallala a'dadaha wa ihtiyajaka ila fadlihi fakathara amdadaha yalla dafa xam ni nga xamantene mom moy yow ne ak doye dafa nek yow faiblesse mu dadi neewul nombre de ra de julli waye xam ni nga ajo ngeneelam mu beuril nak njariñ yi ci nek leer yi secret yi ci nek et donc wirdi bi tam non la manam gis biñ gis ne manam ngeneel yi manam yi ci nek nombre bi ni mu touté nonu la ngeneel yi gëna bëri tamé leer yi ci nek ak secret yi ci nek ni la gëna bare donc nit ki kon mënul wax né dama amul jot motax dama amul temps mënuma wérd lool mom nit parce que nit du liggéey 24/24 voilà non nit mënul di occupé 24/24 lool du mané donc amul ben excuse bu mëna tek pour né do mën wér amul au moment où gis nga niñ ko yaatalalé déjà période yi nga xamanténi mom lay wér niñ ko yaatalalé non seulement mais bari yaatalal ko aussi manam moment yi nga xamanténi mom lay wér yaatalal ko aussi possibilité yi mu am ak alternative yi nga xamanténi mom la am donc mënu jël excuse bobu donc fi dañ la may kon nga jital mune me jital bobu sax d'ailleurs mo gën ngeureul lu reuy mo ci nek lutax parce que salat fatihi buma def guddigi nonu dafa tuddu waxtu ndjel gi mais guddigi la dama ñëna mo upp doole buma ko defoon ci beccëk gi 500 fois ben salat fatihi fa da ko ngeureul yi ñi wax ci salat fatihi yoyu nan benn bi day tollok nankam day toll yoy moy suma ko defé ci beccëg mais suma ko defé ci guddigi 500 fois benen yoy yépp lañu multiplier par 500 exactement kon mo wér do ci guddigi mo upp doole mo wér do ci beccëg ngeenel lu mag lool tamit tax na ñu permettre la nga jittal ko andak jamu yalla guddi ni mo uppe doole beccëk inna ma sha Allah yadihi asad wa tan wa khum fina comme niko alquran wax donc lolu lolu mom moy mom la wax ni mu nek mu indi ben restriction bo xamantene ben masala la haqiqatan tamit wa tariqa bi dange wouté moy muna lakin wa idha tala bu fenke al fajar fajar gi manam moy bu fajar gi xare walam yufrighta jeexalagut minal wirdu wirdu manam paregul wirdu fa inna wal wir war mom la yujisi u bobu dor bax walaw kana don da nek na al baqi la dess maratan wahidatan ben yon dong la min haylalati ci haylalag moy la ilaha illallah ngani bu boba lu muy def mu na wax yi ne dum bu boba jamono joju fala budda mën ta ñak min i'adatu lu muy wërdu ci baamu ar wërdu yi maratan daw yoon saaniya dañ bay ñaar li annahu ndax kat bi wër woor moy mom qaddama dafa jital mbir mi xam la waqti ru jitu waqtom al mahmud bi nga xamantene mom lañu gërem la ko ñeel ko tarqisan ci woyofal wa tashilan ak ci yombal fa iza hadara kon bu tewe waxtom qabl al faraq lu jitu muy jeexal mun wu ci mom lazima day dadi takko mom day dadi war ibtida'u mu tambale wat ko point là bo xamanteni haqiqatan bokku na ci lima ci walu wirde manam point bi li daf ma musun jaaxal ba may gis ne ndekete wa tariikh bi d'accordun ci point bi ñom ñep divergence de divergence daf ci am mais sinon point la bu ma musun jaaxal moy su fekenteene wirde dafa am dama war jital sama wirde wax nañ la ni amna possibilité juste bala fajar gi di xal numay def damay fexé paré bala fajar gi xal parce que fajar bi bu xalé té paré wu mom cheikh omar radhiyallahu anhu manam ci ginnaw seydou hadji mal radhiyallahu anhu tamit ci ñi nga xamantene ñom ñoo parce que en fait ci fatiha comme niñ ko waxé won ci jotay bi yes fatiha ay buntu ci rima le résumé amna nak ñaar ba ñett masala yo xamantene toxal na ci lu ndeme nek ci manam wouté bi reuy bi mu reuy ci question yoy mu toxal waxu ñeneen ñi lu deme nek borom muniyatul murid souvent sax borom muniyatul murid rek lay toxal wala mais rarement comme la sayyid mohammed hafiz cheikh tadi radhiyallahu anhu etc moy ci walu nombre yi par exemple nombre yi ju ñuy def hay la la ilaha illallah dina cheikh omar radhiyallahu anhu ñaari rek na indi sayyid hajj mar radhiyallahu anhu indi na 1200 bi aussi pour wax ne gis amna ñeneen ñu wax leneen cheikh omar tamit radhiyallahu anhu expliquer wuko waxuko parce que tout simplement fi la yam mais daf ko wax parce que fi mom moy li gëna reuy li nga mëna def bon benen masala bi nga xamantene mom la indi te bokul ci rima moy di lañ ci ñew inshallah moy ci jital bi bu fekkentene damay tukki jital sama werdu ngornu suba ma jital ko tay donc bobu tamit bobu benen masala la bo xamantene borom munetul murid d'accordu ci ak mom mu préciser ko wa am amana ñaar yoy la bu amé benen bo sinon yima tewlu dal manam beuri wul ñaar yi la wala amna benen ñettel peut-être dina ko fatale mais dal amana ñaar yi rek la sax nga xamantene yi la indi te nekul ci rima sinon rima la jël way ko mais en résumé ça veut dire dafa am yenn ba bari jëlul rima bi yépp mais dafa am ay buntu yu ko intéressé ci rima yoy la jëlat way comme niñ ko waxé manam nga gis même biographie cheikh Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu nga xamantene histoire wax Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu fi la gëné aduna ni ki et cetera ba yoy histoire yoy yep indi wu parce que tout simplement rima indi wu et cetera voilà légui ki fi nak point bi buntu bi point bi ni man dafa wax lu am solo moy kon su fekke ne dañ ma permettre ma wérde mu jital sama wérde ma arrêté manam may wérde comme dañ mako woyé fa lool la manam mu ne mom dafa drafé ci ben principe il faut nga suivre ko dani nañ xor raisonnement bi man dañ ma woyé fa lool sama wérde pour mu jital ko mu ne tarkhisan manam rukhsala ngir dañ mako woyé fa lool ngoro amone wa tashilan dañu bëgg mu yombal bir manam simplifier ko faciliter ko manam rukhsa moy allègement dañu alléger bir mi han tashil moy simplifier ou faciliter kon man su fekkante ne lool mom mo taxone suma démé ba duggat ci waxtu yi ba duggat ci waxtu yi nga xamantene ci la ko wara defé ah kon nak dañ nan ma ah kon nak fo nga tambali wat ko parce que waxtom ci nga ko wara defé le cas le bo xamantene cas d'allègement rek la comme par exemple tay ñu indi cas de figure bu melni ci sharia bi pour mu leer suma de tukki ñu woy falal ma boone sama julli ak ma lan ko ak ma wañu ma def ko legui imaginer ma djougué Montpellier wala Paris wala Marseille tisbar fekk ma ci yoon bi mo war ko mënon boole ak takusan bi defumako xam nga takusan pourtant mën nako boole ci heure tisbar wala takusan defumako pourtant heure tisbar jotna heure tisbar mi ngoy fekk juste par exemple à disons 30 km de Lyon heure tisbar dugg na suma nexé damay fay auto bi wacc djulli tisbar ak takusan dogu dugul yow dugu ci dekk lool suma ko defé bu takusan jotté duma fay dans sa ngara duma def da parce que takusan ben yon lañ ko tek farata ci man ci bit ci bis bi té djulli na ko ci heure bi nga xamantene sharia may na ma djulli ko ci woyofal ak yombal té mom moy maangi won à 30 km fi de Lyon wala à 15 km xaw mom nu meuna def mais dal dugguma ci dëkk té maangi kon ci biir tukki bu dëgg mu julli sama tisba julli sama takusan yo xamné non seulement dama leen bolé mais dama ko wañi dal dugg ci ñew voilà tranquille comme biñ ko wax cependant su fekkenté dama dugg ci biir dëkk bi xossna dugg ci biir dëkk bi wañi gama doon wañi waxuma la takusan mais tisbar bi wañi gogou dootuma ko manati teggé ko na au moment où lan au moment où yombal gañuma yombalon ak woyfal bi teggé ko na eureum wessuna manam moment wam parce que ci zone géographique bu précis lañ mako defal mo lol tamit tawqit la xam nga waxtu waxtu ci arab même ci fiqh fiqha fuqha yi buñ waxé waxtu djublu wuñ ci temps kessé dañ ci djublu soit temps wala endroit wala lieu géographique lola tax ngay gis ci par exemple buntu djulli djulli dañ nan babul waqut waqutu salat waxtu djulli ci buntu acc day gis ne babu waqutu hajj waqtu acc lan lañ ci djublu période buñ koy def mais surtout tawqit bi manam moy fan la wara commencer armal ban deuk ban côté ban voilà processus voilà fan la wara commencer armal manam kon endroit Zul Khulaifa wala Yalam Lam wala et cetera donc hein Karnul Manazil manam fan la wara tambalé soit dépend fou moy jugé donc lolu manam moy waxtu légui kon waxtu mi nga xamantene manam moy waxtu bi pa may wax waxtu zone géographique wala lieu wala heure la ci djublu donc waxtu yi nga xamantene mom lañ ma permettre ci bir waxtu wo ma julli fa jital waxtu wo degna donc legui kon ce qui veut dire que bu may julli damay matal parce que li mom legui teggi manam teggi nañu woyofal gi ak yombal gi période mom lolu mom moy raisonnement bi bam voilà legui mo am benen gis ci tariqa bi benen gis moy la moy ne dedet non bo xese ba tambali su fekkenti dang ko tambali ci ginnaw do fay manam boudé cadre figure bi nak moy bi cheikh omar abdelan wax mom nakala manam mom moy dalé su fekkenti damay wër de heure bo su fekkenti ne wër bi daf ma rëcc manam waxtu dama dugg la ilaha illallah bi rek manam ben rek desena rek fajar gi xal legui nu may def damay lan damay day arrêter mais sou vous écouter ni imaginez que mo commencer astaghfirullah def ci ñett rek gis fajar gi xal nu may def duma dag sama werd dam koy continuer ngir teggel ak werd mais bobu du content damay reprendre rek après lool mom moy gis bi benen gis gi moy lan moy non en fait limi bayyi xel ci jaamu yalla yi moy tambali gi du jeexal gi d'accord lool benen qaida la tamit xam nga be qaida bo ñom cheikh wala da nga qaida wi la jëfëndiko be qaida biñu jëfëndiko wax na la ñi tam de benen xair lañu jëfëliko moy heure biñuy tambal heure biñuy bayyi xel ci jaamu yalla tambali gi la du jéxal lolu mo motax suma amé ben raka ci tist ci suba bala jant bi di jog julina waxtu ci suba buma amé han tambali gi la buma amé ben raka amata kusan julina waxtu ci takwa buma ñëwé ci jakkaji fekk imam ma am ak mom ben raka dañ may considérer comme ku julli ci mbolo mi même bu dé ben raka rek la am ci bir ñenti ce qui veut dire que man duma mëna jité kenen duma mëna dello nek iliman kenen niki nonu duma mëna top benen iliman bu taxaw alors que sudul won lool suma ñëwé comme par exemple ñun ñi ñu raté julli juste imam bi taxaw seulement imam bi nek par exemple ci tayel wala en tout cas djugna ci sujud bu mujj ci ruko bu mujj bi buñ ñewé bu salmale dañuy mëna kenn day daal mëna jitu ñu julli même bu fekkante na cadre figure bi mo tuddu ni dañu gis na fuqaha maliki rahmatullah alayhim mbolo mu bare ci ñom dañ koy bañ même bu fekkante hein même bu fekkante na ci bir mazhab bi ci bopam sax ñepp d'accord ñu ci mais le upp ci fuqaha maliki dañ koy bañ bok parce que lool aussi question ki la won ñu dudu question politique la won manam politique pas dans le sens ñun li ñuy wax politique mais woy dafa ragalon bour be yoy wala dafa doon jappalé bour ge non waxu côté bob manam question politique la won c'est à dire que li ñu wax siyasa da moy xosna siyasa stratégie wala stratégie moy rafetal moy né dañuy bañ nit ñi di def lolu pour xex ben imam par exemple ñu xamné ah d'accord ki moy jité suñu jité rek gaay dañuy tok ci ginnaw bu heure ki rek ñu daal di ñew julli suñu mbolo ce qui veut que ku mu neex mu na ñew jité mbolo julli mbolo lolu lañ ci don bañ mais sinon ala kul ihar lulul jeex bu xat ci wayu yannabi sallallahu alayhi wasallam nu mu doxale wané na ni lolu man na né bi ci gëna remarquable té muy gën ci lèr té muy hadith bu si bi gëna siiw ci lool moy bi sayyidina abubakar radiyallahu anhu d'ailleurs rip borom rimah dina ko indi ci muy wax ci ngeeneel wa tariqa bi dina ko indi hmm taxale ko ci ibnu taymiyah bo day fof rek la waxe mo taxale ci ibnu taymiyah wax ah moy lan moy hadith bi sayyidina umar radiyallahu anhu fekke sayyidina ki sayyidina abubakar radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam moy benn way ñewé dugg ci fekk ñu julli ba pare mune waji est ce que julli nga yow ba est ce que mune kan moy may kan moy sarax waji mbolo sayyidina abubakar radiyallahu anhu ne man fekk julli nañ ba pare mu dem taxaw té pour ça julli nañ ba pare ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà mais bon ala kulli hal donc su ñëwé mën nañu def lool mën nañu ñëw julli jot manam ñu ñëw ñu raté dernier raka bi manam ñu raté ruko bi bu boba ñu ñu def dañuy top imam bi mais bu imam bi seulmalé ñun kenn ci ñun mëna jité ñi ci dess nek manam ñu am julli mbolo ci jakk donc c'est à dire que lool yépp day dugg ci ben règle rek manam alors que tay bu fekkonté né ruko bobu amon nako ñun ñi amon nañ ko kenn ñun ñepp amon nañ ko kenn ci ñun dootu mëna nek ci imam ñi ci dess té dootu ñu mëna top parce que lan parce que bokku na ci mbolo mi ba paré ce qui veut dire que ni kon jaamu yalla bi manam pour gattal jaamu yalla bi fan lay lan mo ci mata baye xel tambali gi la mais pas jéxal ba comprendre position bo fof la tégg moy né kon man un moment où permettre nañ mo moment bi ma def ko ma tambalé sou kiwe sou la né suma dewer manam suma dewer comme tambalé nako heure bo xamné permettre nañ mako légalement ma werd ci bu werd bi jeex kiwe tamit bu fajar gi xaré tamit tambalé won nako dam koy ko d'ailleurs lool mom moy nek cas de figure ki nga xamantene par exemple xam nga par exemple heureu ki mi ngi jexé tam heureu wirdu suba bi fan la jexé daruri daruri fu mu jexé daruri bi wa daruri bi ma ko takusan tare sa bu julé takusan daruri bi non bu témis fi témis bu jant bi sowé lay jax wa avant timis ba mo xaram may jax bu voilà exactement moy comme tu as send avant timis hein mais avant timis quoi non wa non juste bu timis de rek il faut que jant bi sowé moy timis légui tay bu fekkene dama tambalé werdu werdu suba bi werdu gumako won man i xarama werdu ko bala timisa jot ma tambalé werdu def astaghfirullah astaghfirullah rek jant bi sowé timis jot ci ban heure la ju werde tambali voilà manam bu boba kenn du ne dama fay tambali wa kenn du ne dama fay parce que tambali bi mom lañuy baye xel hakaza ni tamit ci masala bi nonu la man ce qui veut dire que lool mom mo indi woute bi nga xamne mom mo am ci biir bop manam wa tariqa bi ci masala bi ce qui veut dire que ki nga xamantene mom après dafa paré fayul deful dara japp na né mom werd la ko kenn mënu ko xass kenn mënu ko critiquer kenn mënu ko ngagn kenn mënu ko bar ki nga xamantene tamit du reprendre rat dañ nan yow li nga def mo gën ti mo gën wuur comme cheikh omar rabiyallahu manam wax né koku lool la wara def mais la ala kulli hal dañu manam ñaar yi bo ci def rek manam bo ci jëfé de toute façon tariqa bi ñepp ben lañ parce que lotam il faut ñu xam lolu manam tariqa bi ñepp ben la ñom ñepp borom yi gëdd lañ ñom ñepp borom yi wala ngeenel lañ wala te ñom ñepp dañ leen wara jappé comme ay kilifa yo xamantene dañ leen wara fonku dox leen cër gi xamantene mom mo yello ci ñom wala manam duñu wax meun na né par exemple ah man dal tout façon li cheikh omar radhiyallahu anhu di wax mom lay gëna japp ci wax bi parce que aussi manam mom référence bu mak la ci comme nimu nekk reference mais téréwul kenen ku wax lénen manam dañuy indi souvent manam même boudé manam cheikh omar radhiyallahu anhu li la wax dañuy wax yenen version pour ñu xamné quand même ñeneen ñi manam amna ñeneen ñi wax li tamit il y a d'autres possibilités ce qui veut dire que ñu bul gis kenen wax lénen nga ngañ ko wala ki parce que ñom ñet ben lañ salat bu pas dit manam mo def li cheikh omar radhiyallahu anhu wax tekki wul dama critique dama dañ dal waxu kenen ma manam voilà par exemple bo gisse li cheikh hadj malik radhiyallahu par exemple pour joxe exemple niñ do wax manam nit ki bu la nuyo xam nga doko fay budé ci yaangi wer na par exemple lolu mom moy comme par exemple cheikh hadj malik radhiyallahu fa bu xol pourtant nazifi radhiyallahu ci duratul kharid da daf ni dede julli ak wer du yamul ku la nuyo dang ko wara fay parce que fay nuyo farata la te pourtant manam seul bu pas dire que ni man ni cheikh hadj malik radhiyallahu wax lay def rek que ni buma gisé kenen fokk dama ko wara critiquer dama ko wara ngañ wala mané wé non nazi fi non waru won wax lolu dédé rabbiyal ya dañ nga la sam et cetera ya dañ nga la sam voilà lolu la da deng légui kon muna wa amma dal nak fil wazifa ci wazifa fa inna zalika al wirbu moy lolu khayra mudir nekul di aji lor bu fekkete lu wazifa la manam kon wouti bi mi ngi nek ci lan werr su de dañuy werr mais su de wazifa wouti bi amul ke ni dina bax ndax lan motax parce que wazifa ben yon la lay war ci 24 heures ce qui veut dire que amul heure spéciale boko wara def mu war la war mu ñak war ça veut pas dire que cheikh omar radhiyallahu anhu dafa teggi qaida manam règle bi mu doxé tekkiwul lolou mais c'est que cas de figure ñoo changé mune nak illa ba mu dess iza kana ne dafa nek ne mum talbe wa yaqra wa da koy jang sabahan suba wa masaan ak ngor su fekente ne mum daf koy jang suba ngor mu nek lo xamne da ko tek bopam ne man suba ngor lay faral lay werde waxon nañ ne lay wazifa waxon nañ ne so wer wazifa suba ak ngor parce que cas de figure wazifa yi waxon nañ le cadre figure bi nga xamantene da nga ni man suba am ngone lay wosifa te tout temps mom ngay def boba day dal di nek say heure ñu heure werr lool mom motax mais su fekkante na man dama ni bon suma amé temps lay def suba ngone suma amul temps def suba wala ma jéké yé na légui damay changer régime voilà et cetera bu boba lolou règle day dal changer mune man légui damay ben lay def damay changer régime di def ñaar day lolou mom moy lolou règle be lay dox bu fekkante dama ne man ñaar lay def damay changer dum def ben légui règle ben bi momay top su fekkante dama ni man par exemple wëgifa suba rek lay def bu boba règle bi dalay top parce que suba gi moy don sa heure bu dé da nga ni ngone rek lay def règle bi dula top donc en fait li nga dogu lolu mom mo nek sa règle voilà du coup boko defore ci période gogou non voilà après voilà day am règle bu tegu sa kaw mais lolu mom moy su fekente ne moy wax moy ñal moy ñi tek ñaari wasifa voilà manam non wa mom moy wa mais cadre figure bi moy manam né dang koy fay moy comme ñom cheikh omar radhiyallahu anhu mais bu fekkante ne ñi nga xamne ñom dañu japp ne mën nañ ko doko fayat manam bu waxtu wi dalé graw manam moy ñi don manam moy benen position bu m'expliquer sank que le tambali jaamu yalla gi lañu baye sax lu jeex tam bi lolu amu problème ñom amu problème ci ñom voilà lolu tax mu ne kon nak lol moy cadre figure fu fekente nit ki daf koy def web day yewu fa suba ngon fa inna wal yur bor moy non fa wa yu'iduha daf koy bam won wala maratan sania ñaarel yon encore li annaha ndax kan yuzifa bi bo baba sara de da bi mudi hinaizen jamono jojo kal wir comme yallo والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين